Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une commandite de votre magasin local et régional Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Le printemps est à nos portes et pour vos besoins d'articles printaniers, c'est Canadian Tire du 1751 boulevard Vézina qui est l'endroit idéal. Surveillez la circulaire chaque semaine pour les différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local d'abord en parlant de soccer. Il y avait des matchs hier dans les différentes ligues de soccer qui nous intéressaient. D'abord, faites à noter qu'hier, victoire du FC, plutôt verdicule 3-3 entre le FC de Saint-Félicien et l'Union de Roberval dans la catégorie U16 masculin. Maintenant, dans les autres matchs, gain du FC de Saint-Félicien 4-1 contre la formation du FC Jean-Dumas dans la U14 masculin. Maintenant, dans le senior féminin, les Chinooks de Chicoutimi ont défait l'attaque de Saint-Prime 3-2. Maintenant, on va parler du côté du deck hockey à Saint-Prime. Il y avait des matchs hier. D'abord, dans le premier match, gain des Kids 13-0 contre la formation des Vikings. Donc, ça s'est déroulé hier à Saint-Prime. Maintenant, du côté de la Balmolle, il y avait des matchs hier dans les différentes ligues à Dolbeau-Mistassini. D'abord, le Sport Expert a défait le Métro 20-7. Victoire également du Saint-Hubert 21-7 contre le Météor. Et du côté de Roberval, maintenant, évidemment, il y avait des matchs également du côté de la Ligue de Ballante de Roberval hier. Et faites à noter que dans le match hier, gain de Mégavac 8-4 contre Pièce Autorussel. Saint-Hubert 11, Garma 5 et le AEW a gagné 20-14 contre le Zodiac. Et en terminant, ben, l'Aubergile du repos sera l'hôte du Challenge Pink Winter. C'est une activité qui va avoir lieu, évidemment, pour populariser et rendre plus accessible les sports d'eau en eau vive. Évidemment, le canot, le canoë-kayak, également le rafting. Donc, ça va se dérouler le 14 et 15 et le 16 juin à l'île du repos. Faites à noter que pour information et inscription, vous pouvez contacter Alexandra Tremblay au 973-94-94, le 973-94-94 ou le 817-51-02. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants du monde du sport. D'abord, on a parlé à Junior Junot, le directeur général du club de golf de Saint-Prime. Également, on s'est entretenu aussi avec Minique qui fêtait cette semaine le 60e anniversaire de son entreprise à Montréal. Minique qui est le barbier des sportifs. Également, on a parlé avec David Dernay qui nous parle évidemment de son expérience dans la KHL. Sport local et régional, à danradiosport.com, à son équipe.